force bestiale. Héros de l'aventure, du futur. Chevalier du courage, d'un autre âge. Deux enfants téméraires partent en guerre pour tenter de trouver la vérité. Dragon Ball pour un idéal, combat glacial du bien contre le mal. Dragon Ball, la lutte infernale d'une petite fille, d'un enfant animal. Dragon Ball contre l'immoral, méchant oracle à la force bestiale. Le club Dorothée. Dragon.